Une autre année de vélo va débuter très très bientôt ou est déjà débutée. On va parler avec le président Michel Chiasson de la Vélo des Bleuets pour voir un peu les nouveautés. Salut Michel! Bonjour Dani, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Michel, c'est quoi? C'est la 22e saison à peu près de la Vélo des Bleuets? 21e. 21e, ok. Je savais que c'était d'un 20, d'un 20 proche, donc. Encore une fois, je pense qu'il faut prévoir une belle année. Encore une fois, vu que la frontière est fermée, beaucoup de Québécois vont rester ici, vont profiter de l'occasion pour fêter ou rester au Québec durant les vacances. J'imagine que la Vélo des Bleuets, ben, on s'attend, et surtout qu'on prévoit un bel été. Il faut s'attendre à ça. Oui, ben là, oui, ben on est pas mal, ben, comme on dit, on est prêt. L'année passée, avec la pandémie puis toutes ces choses-là, on a quand même eu une année record en achalandage, puis en gens de la région, puis des alentours, tu sais, même à Québec, Montréal, ces choses-là. On n'a pas eu d'international, mais beaucoup, beaucoup de local. Puis cette année, c'est encore la même chose. Ben, on espère tout le temps que les restrictions vont baisser tout le temps, là. Mais du côté de la Véloroute, il y a beaucoup de gens qui ont venu l'année passée, puis qui ont été en santé, puis qui ont dit qu'ils vont recommencer cette année. Puis nous autres, la Véloroute, c'était pas le beau temps au début de l'année. L'ouverture sur les pistes, c'est le 15 de mai. Fait que ça fait pratiquement 2 semaines, 3 semaines que c'est ouvert. Là, mais l'ouverture officielle, ça fait nous autres, on appelle ça le lancement de saison officielle. Puis ça fait jeudi prochain, le 10 de juin. Oui, effectivement. Si on parlait un peu du côté des nouveautés, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben là, des nouveautés, on a eu des. Là, comme là, cette année, le lancement va se faire justement à Alma parce que il y a eu la voie de contournement qui a été faite. Puis là, il y a une passerelle que les vélos passent au-dessus de la route 169. Fait que c'est côté sécurité, c'est pas mal mieux. C'est-à-dire qu'on on va faire un peu comme une petite inauguration de ce secteur-là. Et après ça, les autres choses qui avaient été faites, là, c'est il y a le parc national, parc national de la Pointe-Taillon, mais secteur Saint-Gédéon. Il y a eu un nouvel aménagement, une nouvelle bâtisse. La piste cyclable a été refaite sur plusieurs kilomètres. C'est tout de tout. On a été une autre, c'est de toute beauté. Puis c'est dans un parc régional comme ça, là, c'est vraiment plaisant. Le monde est. Ils ont accès à des tables de pique-nique, ils ont accès à plein de choses. Puis ils peuvent même faire du camping, réserver des endroits. Fait que c'est de ce côté-là qu'on. C'est les deux gros points là, qu'on va avoir cette année qui sont prêts. Il y en a d'autres qui vont être en travaux. Là. Puis il y a des soumissions probablement qui vont aller. Je sais qu'on a dans le bout des biens qu'il va y avoir des nouvelles, encore des nouvelles, les traverses de chemin de fer qui vont être refaites à nous parce qu'ils sont dangereux. Ben, c'est côté sécurité. C'est tout côté sécurité. Fait que, on va y aller avec ça. Il y a d'autres progrès qui sont en cours, mais là, on peut pas, tant que c'est tellement long à régler, puis avec les droits de passage, les acquisitions, quand tu fais en terrain humide ou des choses comme ça, fait que, les négociations sont longues, sont ardues. Mais on espère toujours enlever encore peut-être une dizaine de kilomètres sur le bord de la route 169, qui est en accotement. Puis ça devrait se faire d'ici une couple d'années, là, un an et demi, 2 ans, plus tard, d'ici 2023. Ouais. Okay. Est-ce que vous attendez un achalandage, un gros achalandage cette année? Ben, comme je te disais, l'année passée, on a eu tout près de 300 000 visiteurs. Ouais. C'est une année record. Puis cette année, on s'attend à avoir environ la même chose. Okay. Nous autres, comme à la Véloroute, on a le service de navette de bagages. Okay. C'est que les gens qui viennent de l'extérieur, ben, tu sais, ils réservent ça, puis ils peuvent rouler plus léger. Les bagages sont déménagés dans les endroits qui vont aller dormir, en autant qu'ils dorment dans les endroits qui sont partenaires de la Véloroute des Bleuets. Hein. Okay. C'est tout desservi pour ça. Fait que puis on a déjà des réservations au mois de mai à l'ouverture. On avait déjà des réservations qui sont pour le mois de juin, le mois d'août. C'est déjà pas mal, ben, pas complet, là, mais c'est déjà bien plus en demande que l'année passée. Il y a une bonne augmentation. C'est les gens qui veulent le réserver. Là. Ben, il a fait très beau l'année passée, mais cette année, on peut voir le même genre d'été. Fait que déjà là, c'est très beau. Là. Et après ça, ben, aujourd'hui, avec la Véloroute, il y a une association, comme une association avec les microbrasseries autour du lac. Ouais. Fait que, dans ce temps-là, ils font gros de publicité là-dessus. Puis une bonne bière après une ride de vélo, là, c'est, hein. Ça fait du bien. T'en fais-tu comment, Michel, toi? Ouais, là, je fais en, ben, peut-être 4-5 000 km par année. Là. J'arrive justement d'une ride de vélo. Là. Ah, OK. Puis, okay. On est allé, nous autres, on est allé dîner, on part de Saint-Jean-de-Bac, puis on va dîner à Saint-Henri-de-Torion, puis on revient. Fait que, c'est, non, en forme, hein? C'est vraiment plaisant. Oui, on essaie de se tenir en forme le plus possible. Ben, effectivement. Ouais. Michel, fait que ouais. 300 000 visiteurs des projets dans la MRC Maria-Chapdelaine, est-ce qu'il va y avoir des travaux? Ben là, il n'y a pas de travaux en cours, mais il y a des progrès qui sont en cours. Okay. On avait un progrès entre Albanel, que là, entre Delvaux et Albanel pour sortir ça de la route 169. Okay. Là, il y a eu des négociations justement qu'on n'a pas été capable de réaliser parce que on traverse dans des bleuissières, dans des choses comme ça. Comme je disais tantôt, c'est pas facile de négocier tout le temps ces choses-là. Il y a du monde que ben, c'est pas qu'ils veulent pas coopérer, mais des fois c'est vraiment pas dedans, c'est vraiment pas. C'est pas passé dans le milieu d'une bleuissière, des fois, ça fait pas. Fait que, là, faut s'organiser pour les contourner et rester quand même dans des beaux sites. Et, là, ce projet-là, il est comme ben, mis sur la glace un peu, il est retardé. On va continuer les négociations. Puis d'un autre côté, on va regarder peut-être du côté de Péribonca, entre Péribonca et Saint-Jean-de-Bac, dans la MRC, Maria-Chapdelaine, pour continuer, pour compenser ce projet-là. Ça serait aussi pour enlever des kilomètres sur le bord de la route 169. Ça fait que c'est tout le temps une question de sécurité aussi pour les gens. C'est un peu ça, des fois, la véloroute, là, le monde, il trouve, on a une infrastructure de toute beauté, puis on traverse 15 municipalités, puis après ça, une municipalité, la amérindienne, Bastelière. C'est de toute beauté. Mais là, c'est tout le temps le côté route 169, des fois, que les touristes, ils sont plus sceptiques un peu. Il y a moins ça, tu sais, quand les ventes, tout ça. Mais malgré qu'il y a beaucoup d'améliorations du côté, même d'éviter les conducteurs de vannes et puis les autos, là, c'est assez rare, tu sais, qu'on se fait klaxonner ou qu'on se fait. Le monde sont de plus en plus compréhensifs parce qu'il y en a de plus en plus. Ça fait qu'on n'a comme pas le choix. Il faut s'habituer avec ça. C'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle mode. Ça fait que, effectivement. Tu sais, comme quand on parle de 300 utilisateurs, 300 000 utilisateurs d'un été d'à peu près deux mois et demi, ben, c'est sûr que c'est du monde de la région, mais les personnes de la région là, qui partent de Robertval, qui vont à Saint-Félicien, qui consomment dans un dépanneur, ou qui consomment, c'est pas tout le temps des motels, mais ça fait virer même les motels. L'économie locale, là, c'est l'année passée, là, c'est près de 13 millions que ça a eu en retombée économie locale. Ah ouais, c'est de l'argent, c'est bon. Oui, c'est beaucoup d'argent, c'est des hôtels, ils vont en avoir besoin, c'est les restaurants qui ont drôlement été hypothéqués durant le COVID, qui vont en avoir besoin aussi. Ah oui, eux autres, c'est un moteur économique important, bravo. Important, oui. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ne serait pas venu au Lac-Saint-Jean si la ville des routes, ça n'existerait pas, hein, parce qu'on est classé des trois, quatre plus belles, là, la ville des routes. Facilement. Ouais, c'est un des plus beaux. C'est un des plus beaux circuits. Ouais. Qui peut être aussi bon? Oui. Ben, moi, j'ai pas. Ben, c'est tout. C'est parce que la différence, là, nous autres, la véloroute, c'est en boucle. Tu sais. Tu peux partir de n'importe où. Puis, ça a 256 km de long. Fait que, et tu peux partir de Lebeau, tu peux partir de Robertval, tu peux partir de Saint-Lucien, d'Almo. Tu peux partir de n'importe où. Puis, tu fais le tour. Il y a des choses à voir tout le tour. T'sais, tous les villages ont les petites attractions, les petites affaires, fait que c'est de toute beauté. C'est ça qui fait le carré de la véloroute aussi le plus. Ouais. C'est reconnu à l'international. Là, c'est parce que les frontières sont fermées, mais normalement, là, le mois d'août, le mois de septembre, là, les Européens, là, ils adorent venir au lac Saint-Jean et faire la véloroute. C'est génial. Ouais. Ben Michel, on va bonne saison encore une fois. On va se reparler encore. On va se reparler très très bientôt. Pour parler un peu, de faire connaître un peu la véloroute, pour savoir comment que ça a été à la fin de la saison. On fait toujours deux entrevues par année, au début de la saison et à la fin de la saison. Oui. OK. Là, ben, on a profité pour remercier tout le temps tous nos partenaires majeurs. Les gros partenaires, tu sais, comme Desjardins, Family Prix, les gouvernements qui nous aident tout le temps. On a besoin de ces gens-là. Puis on a besoin des gens qui s'impliquent, puis des passionnés de vélo pour continuer à développer puis améliorer l'infrastructure tout le temps. On ne peut pas arrêter. Non. Parce que, tu sais, si tu arrêtes, ça se détériore. Puis on ne veut pas que ça se détériore. On veut garder la qualité, puis la rester reconnu. Aussi. Puis, la propreté de la sécurité. C'est ça, oui. Ouais, effectivement. Oui, la propreté puis la sécurité. Ouais. Ouais. Michel, on se reparle. Allez, merci beaucoup, Dani. Bon, mais c'est bien parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Puis bonne. Michel Chiasson.